À l'occasion de la Journée des Soleils, du 52e anniversaire de la visite historique du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il en Indonésie et du 52e anniversaire de la baptisation du Kim Il-sungien, l'exposition de Kim Il-sungien, de livres et de photos coréens vient d'être ouverte à Jakarta. Dans la salle d'exposition étaient exhibées les photos du président Kim Il-sung et du dirigeant suprême Kim Jong-un, les œuvres classiques des grands hommes Baek-tsan, les livres qui présentent les Kim Il-sungien et Kim Jong-ilien, fleurs d'honneur, et les photos qui montrent les succès du peuple coréen dans l'édification de la puissance socialiste. À la cérémonie d'ouverture, ont pris part les personnalités de différents milieux, comme le secrétaire général du conseil directeur central du Parti des pionniers de l'Indonésie et les habitants, ainsi que l'ambassadeur coréen en Indonésie et ses collaborateurs.